Mireille Kanyang. Merci Madame, Monsieur de nous rester fidèles. Voici les grands titres de cette édition. Prestation de serment ce mercredi des 7 membres de la Commission électorale nationale indépendante. Dans cette édition, on revient sur la remise et reprise à cette commission. Dans cette édition, on revient également sur les avis des citadins sur la fermeture des frontières terrestres burundo-rwandaises ainsi qu'une analyse d'un spécialiste en intégration régionale. Au Comores, des heurts ont éclaté ce mercredi dans la capitale Moroni suite à l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonsoir. Prestation de serment ce mercredi devant le président de la République et les deux chambres du Parlement des 7 nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette commission est présidée par Prosper Nalgwamiye en remplacement de Pierre Claver Kazihi. Ils ont aussi prêté serment des membres non permanents de la Cour constitutionnelle et du nouveau membre et du nouveau président du Conseil national pour l'unité et la réconciliation. Juste après cette prestation de serment, il y a eu remise et reprise à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Eh bien, le président de cette commission fait savoir que les Burundais sont appelés à considérer les élections comme un rendez-vous normal. Prosper Nharugami affirme que même avec l'absence du code électoral, il n'y aura pas de barrière à la bonne préparation des futures élections. On l'écoute au micro de Mère Douayo. Sur le code électoral, c'est un projet qui a été analysé en Conseil des ministres. Prochainement, il sera analysé au Parlement, les deux chambres, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous osons espérer que dès que c'est fini, ça sera promulgué par Son Excellence le chef de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, en attendant la promulgation de ces lois, il y a pas mal d'activités à faire. Donc la CENI ne sera pas désœuvrée, donc on aura du travail à faire. Les autres textes existent, c'est peut-être question d'amendement. Quand un texte n'est pas encore changé, il reste en vigueur. Mais tant de dossiers devant vous, quels sont les prioritaires? On va commencer par le commencement. Il y a un cycle électoral, il y a les activités préélectorales, électorales et post-électorales. On ne va pas réinventer la roue. Et quels sont vos apports pour qu'il y ait de bonnes élections? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons tout faire pour que les élections se passent correctement en respectant les règles de l'art. Prosper Nharugwamiye, président de la Commission électorale nationale indépendante. Et des habitants de la mairie de Bujumbura disaient craindre des conséquences négatives sur la situation économique du Burundi avec la fermeture des frontières terrestres burundo-rwandaises et demandent au gouvernement de privilégier le dialogue pour garder de bonnes relations. Suivez ce micro-trottoir. Cela nous inquiète si nous considérons que les relations entre deux pays voisins sont en train de se détériorer. Le Burundi perd énormément car, lorsqu'il y a des échanges commerciaux, le pays gagne toujours, la population en profite aussi. On nous dit que le franc rwandais a beaucoup de valeur par rapport au franc burundais. Cela profiterait donc aux Burundais qui voudraient écouler ces marchandises au Rwanda. Il aurait certainement à gagner. Nous avons mal accueilli cette décision car beaucoup de nos marchandises proviennent de l'étranger. Le pays perd énormément, même l'argent qu'on a investi n'est pas épargné car beaucoup de nos marchandises proviennent de l'extérieur. Qui privilégie le dialogue? Il n'y a pas d'autre voie de sortie que le dialogue. C'est par ce dernier qu'on trouve une solution s'il y a un problème quelconque. Nous, comme simples citoyens, nous demandons qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils envisagent de trouver une réponse adéquate afin qu'ils ouvrent les frontières, qu'il y ait une bonne circulation des personnes et des biens comme avant. Que les responsables prennent les devants pour qu'il y ait une solution comme avant. Cela peut vraiment se faire, c'est une petite chose. Parlons encore de cette fermeture des frontières. La volonté politique ainsi qu'une communication sincère et honnête devraient caractériser les pays membres de la communauté est-africaine en vue d'aboutir à un développement socio-économique et une stabilité de la région. Réaction d'un expert en intégration régionale qui précise que cela est le but principal du protocole mettant en place cette communauté. Artemo Nduimana admet tout de même qu'un État peut prendre des mesures quand ses intérêts sont menacés, on l'écoute. L'article 5 du protocole mettant en place la communauté est-africaine édicte des principes fondamentaux qui doivent guider cette communauté. Parmi ces principes, on trouve la confiance mutuelle entre États de la communauté est-africaine, la coexistence pacifique, ainsi que le principe fondamental de bon voisinage entre États membres de la communauté est-africaine. La communauté est-africaine s'est également dotée d'une loi sur la gestion des conflits, ainsi qu'un comité de gestion de ces conflits. La mission principale de ce comité était d'identifier les conflits potentiels pouvant exister entre États membres et proposer des solutions pour prévenir ou gérer un conflit qui surgit entre États de la communauté est-africaine et coordonner la médiation ou la négociation selon le cas. Malheureusement, malgré la mise en place de ces mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans la communauté est-africaine, on observe des conflits répétitifs entre États membres de la communauté est-africaine et ces conflits gangrènent l'objectif principal de la communauté est-africaine qui est le développement socio-économique et la stabilité des pays de la communauté est-africaine. Bien sûr, malgré que les pays se trouvent dans cette communauté, ces derniers restent indépendants. Donc, l'un des pays peut prendre des mesures de protection lorsque ce pays constate que ses intérêts ou l'intérêt général de ses citoyens est menacé. Pour éviter la multiplication de ces conflits répétitifs, il faut qu'il y ait d'abord volonté politique des pays membres de la communauté est-africaine. Il faut favoriser le maintien d'un climat propice à la paix et à la sécurité. Ils doivent également multiplier les canaux de communication et cette communication doit être sincère et honnête. On doit également doter des moyens techniques et humains suffisants au comité chargé de gérer les conflits pouvant surgir au sein de la communauté est-africaine. Donc, il faut encourager la diplomatie préventive pour arriver à la stabilité et au développement social de la communauté est-africaine. Artemo Nduimana, expert en intégration régionale au micro d'Alain Désiré Boukénez. Juste après une courte pause, parlons commerce. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. 18h08 dans les studios de la radio Isanganilo, grogne des habitants de la ville de Bujumbura qui indiquent qu'ils peinent à trouver du sucre ces jours-ci. Ceux qui se sont exprimés ce mercredi témoignent que lorsque ce produit est disponible, ils passent beaucoup de temps sur des files d'attente avant d'être servis, demandent qu'ils soient approvisionnés en quantité suffisante. Un reportage signé Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Certains habitants de la zone urbaine Buizan en commune Mukaza à mairie de Bujumbura précisent qu'ils obtiennent à peine le sucre en ces derniers jours. Ils s'indignent que même lorsque cette denrée de la première nécessité est disponible sur les boutiques, ils doivent présenter un cahier de ménage avant d'être servis. Dans nos quartiers, il y a des gens qui ne prennent plus leur petit déjeuner par manque de sucre. Pour en avoir, on exige des cahiers de ménage. Mais là aussi, tu peux ne pas en avoir car ils craignent que tu peux le vendre. Le manque de sucre pose problème vraiment dans nos quartiers. Cette situation de la pénurie de sucre affecte leur vie quotidienne. Ils demandent au gouvernement de trouver solution durable à ce problème. Nous demandons aux autorités de faire tout pour que nous puissions avoir du sucre dans nos quartiers. Malgré cela, ces stades indiquent que le prix officiel de 3300 francs burundais par kilogramme reste respecté lorsque ce produit est disponible. Jean-Marie Vianney, Ngendakouma a quelques brèves en international avant de suivre la chronique par le ratio mois de ce mercredi. Eh bien, aux Comores, des heurts ont éclaté ce mercredi matin à Moroni, la capitale des Comores, après l'annonce des résultats de la présidentielle. Eh bien, des militaires ont été déployés à Moroni. Des mouvements de contestation ont été constatés dans plusieurs points de la capitale en réaction à la proclamation des résultats provisoires hier avec la réélection du président Azali Assoumani, alors que des observateurs internationaux avaient jugé le scrutin globalement libre et transparent. L'opposition et une partie de la population ont commencé à manifester leur désaccord. Et la justice française confirme ce mercredi la mise en examen de Pascaline Bongo, l'aînée des enfants de l'ancien président gabonais Omar Bongo, dans un grand dossier des biens mal acquis. Comme deux autres membres de la fratrie Bongo, celle qui a été un temps directrice du cabinet de son père devra faire face à un juge d'instruction car soupçonné, selon la RFI, d'avoir bénéficié du patrimoine immobilier frauduleux accumulé par leur père en France. Tout de suite, la chronique de ce mercredi. Parle, rassure-moi. Soutenir les auteurs des violences commises dans le passé est un comportement qui peut affecter négativement les communautés. Des habitants de la commune Bouganda en province Chibitoke affirment avoir été sensibilisés à la non-violence au point de ne plus céder la place à de telles atrocités. L'administration communale indique qu'elle doit rester vigilante et surtout encourager les jeunes à se mettre ensemble pour des travaux de développement. Francine Deokubgayo. Pour ces jeunes de Gasenyi rural, nous sommes dans la commune de Bouganda, en province de Chibitoke. Les gens qui se font juges des autres pour les violences commises dans le passé veulent, d'une certaine manière, se montrer supérieurs par rapport aux autres. Ils veulent se montrer très puissantes. De telles personnes existent dans la société, toujours. Qui prennent le devant, cherchent à se faire remarquer. Et pour y arriver, ils utilisent tous les moyens possibles. Il y a des fois où la personne est concernée ne veut pas voir le pays vivre en paix. Il veut peut-être le retour du passé douloureux. En peu de mots, c'est quelqu'un qui veut diviser les citoyens paisibles. De tels langages peuvent diviser les membres d'une communauté et les pousser à des violences. Ils transmettent une mauvaise politique à nos enfants, ce qui affecte les familles et nos jeunes. C'est la honte et c'est déplorable aussi que nos petits revivent les tristes moments du passé. Ce sont des grandes crises engendrées par ces mauvais esprits. Prions pour qu'ils nous laissent vivre en paix. Si on écoute ce discours, on peut transmettre cela par des messages à nos enfants. On leur interdit, par exemple, de fréquenter telle ou telle autre famille. Face à cette situation, les enfants grandissent avec un cœur plein de haine. Ils se permettent des coups entre eux et les violences s'enchaînent au sein des communautés et les gens d'une même société s'entretuent. Les autorités à la base organisent des rencontres avec les jeunes pour les aider à mieux s'occuper des projets qui les aideront plus tôt pour un avenir meilleur, comme le dit Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune Ouganda. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est stable, je peux dire. Parce que le passé est là. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer l'avenir. Ce qu'on fixe, c'est surtout les visions que nos leaders nous donnent, qui sont des visions qui nous renvoient au développement et nos divisions. La première chose que l'administration fait, c'est de conseiller ces jeunes. Quelquefois, ce n'est même pas des jeunes seulement, il y a des personnes âgées aussi adultes. Mais le rôle que nous avons, nous, comme les agents de l'administration, c'est de prodiguer des conseils, d'accompagner et d'essayer de montrer le vrai chemin que ces jeunes peuvent prendre. Les habitants de cette commune disent avoir participé à de multiples réunions de sensibilisation pour une bonne cohabitation. Désormais, ceux qui pensent à les diviser ne sont pas les bienvenus, ont-ils déclaré.